إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وبعثه بالعلم النافع والعمل الصالح كما قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فما من خير يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه وما من شر يبعدنا من الله إلا وحذرنا منه فأكمل الله به المنة وأتم به النعمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لقد نزلت عليه هذه الآية الكريمة في يوم عظيم في مقام عظيم نزلت عليه يوم عرفة وهو واقف بعرفة في حجة الوداع فكانت مأذنة بتمام الدين وكانت أيضا مأذنة ببطلان كل بدعة في الدين فإن الدين الكامل لا يحتاج إلى إضافة لا يحتاج إلى زيادة وإلا لم يكن كاملا بل يكون ناقصا سيفتاد الله Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec la science bénéfique et les bonnes œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, il dit c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité. Et donc, il n'y a rien de ce qui peut nous rapprocher d'Allah, excepté qu'il nous l'a montré. Et il n'y a rien de ce qui est mal et de ce qui nous éloigne d'Allah, excepté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a averti. Il a parfait sa religion et complété sa grâce sur nous. Comme il le dit dans le verset qui signifie, aujourd'hui j'ai complété sur vous, pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Et ce verset a été révélé dans un grand jour et dans un endroit qui est parmi les meilleurs endroits sur terre. C'était le jour de Arafat, alors qu'il se tenait à Arafat pendant le discours d'adieu. Et donc ce verset est venu pour déclarer que la religion est complète. Elle a été complétée. Et elle est venue pour déclarer également la fausseté de toute innovation, de toute bid'a qui est rajoutée dans la religion de l'islam. Car la religion de l'islam est une religion qui a été complétée. Elle a été complétée au moment où ce verset-là a été révélé. Et ça veut dire que c'est une religion complète et parfaite, qui ne nécessite aucun ajout, aucune augmentation, aucune chose qui doit être rajoutée pour la parfaire. Parce que si elle aurait eu besoin de quelque chose pour être parfaite ou bien pour qu'on la complète, ça veut dire que ça aurait été une religion qui est incomplète. Innal bid'a khataruha azim lima yatarattabu alayha min tadyi' ad-din al-haq wa ghiyab ma'alimihi wa intimas nurihi ولما تؤدي إليه من تفريق المسلمين وتشتيت كلمتهم وتقطيع صفهم فإن أهل البدع مختلفون فيما بينهم اختلافا كثيرا وهم كلهم مخالفون لأهل الحق الداعين إلى السنة الذابين لها. Certes, la bid'a est un grand danger à cause des conséquences qui en découlent lorsque quelqu'un invente des choses dans la religion, eh bien ça amène à la perte de la religion de vérité. La religion de vérité disparaît et elle est remplacée par le mensonge et par la fausseté. Et juste une idée à ce sujet et un exemple pour vous faire comprendre cela, c'est l'exemple de la religion des chrétiens aujourd'hui et la religion des juifs qui au début a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Moussa et au prophète Isa alayhi salam. Mais après le départ de ces deux prophètes, comment les gens de ces deux religions ont changé le message de ces deux prophètes et y ont ajouté des choses et y ont enlevé des choses jusqu'au point où ces deux religions deviennent quelque chose de complètement différent de ce que ces deux messagers-là ont ramené de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce qui est arrivé pour ces deux religions-là, si dans l'islam on amène des innovations et des bid'ah, eh bien c'est la même chose qui s'est produite pour eux, eh bien ça va se produire pour nous également. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus reconnaître la religion de l'islam comme étant celle qui a été envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que des gens, ils rajoutent des choses, ou ils enlèvent des choses, et font en sorte que cette religion-là devienne une chose déformée, qui s'éloigne complètement de la réalité de son message de base. Et ça fait en sorte que ses enseignements disparaissent et que sa lumière s'éteint. Et ça ramène par la suite à la division de la parole des musulmans et à la division des rangs des musulmans également. Parce que les gens de l'innovation, les gens de bid'a, ils sont divisés entre eux et ils ont des divergences énormes entre eux, les unes les autres, et ils sont tous en contradiction avec les gens de la vérité qui appellent à la sunna et qui la défendent. ولذا جاء النهي عنها نهيا صريحا باتا لا يستثنى منها شيء فكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته وفي خطبه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأبطل كل بدعة توضع في هذا الدين وتصنع في هذا الدين وهذا وعيد لكل صاحب بدعة بالنار والعياذ بالله. إذنك l'interdiction de l'innovation a été de façon claire dans cette religion. Et il n'y a aucune exception qui peut passer et qui peut être acceptée parmi les différentes innovations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il faisait un discours, chaque fois qu'il faisait une khutbah, il disait durant cette khutbah, et que toutes les pires choses, hein, de toutes les choses, les pires sont les choses inventées dans la religion. Les muhdathat. Al-muhdathat, c'est les choses les pires. Et il a dit, et toute chose inventée, chaque muhdatha est une bid'a. Il a dit, chaque muhdatha, toutes les muhdathat, sans exception, les choses inventées dans la religion sont des bid'a, c'est-à-dire des innovations. Et toutes les innovations sont des égarements. Kullu bid'atin dalala, sans exception. Toutes les innovations dans la religion sont des égarements. Et tout égarement mène à l'enfer, mène au feu de l'enfer. Et donc il n'y a pas d'exception dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit certaines innovations sont des égarements et d'autres innovations ne sont pas des égarements. Il a dit toutes les innovations, sans exception, sont des égarements. Et donc la personne qui commet une innovation et qui fait partie des gens de l'innovation, elle est menacée dans ce hadith du feu de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Et certaines personnes, lorsqu'on leur dit le danger de l'innovation, ils prennent ça à la légère. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués d'entendre parler de ce terme. Et donc, si tu leur dis, par exemple, l'alcool est haram, tout de suite, ils comprennent que c'est quelque chose que tu ne dois pas faire. Mais quand tu leur dis de faire une bid'a, ça c'est bid'a, ne fais pas ça, ça c'est bid'a, donc ils ne comprennent plus. Parce qu'il n'y a pas le mot haram. Donc ils s'imaginent que la bid'a, c'est moins grave que le haram. Alors qu'en réalité, la bid'a, c'est pire que le haram. Et ça fait partie de ce qui est plus grave parmi tout ce qui est haram. Parce que tu rajoutes quelque chose dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas été légiféré. Et donc c'est comme si tu rendais halal quelque chose et tu ordonnais quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala n'a même pas révélé. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas enseigné. Et que les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais pratiqué. Et toi tu le rajoutes dans l'islam et tu dis ça c'est quelque chose que Allah aime. Et c'est quelque chose qui me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je le fais, je vais avoir des récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que c'est pas vrai. Alors que tu n'as aucune preuve pour ça. Et donc c'est beaucoup plus grave que de faire un simple péché parmi les péchés. Mais certaines personnes ne comprennent pas le danger et la gravité. Parce qu'ils prennent les choses à la légère et ils n'étudient pas la religion correctement. وَإِنَّ مِنَ الْبِدَعَ الْمُحْدَثَةِ فِي الدِّينِ بِدْعَةُ الْإِحْتِفَالِ بِمَوْلِدِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي الثَّانِ عَشَرْ مِنْ رَبِيعِ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ عَامٍ فَيَجْتَمِعُ النَّاسُ عَلَى طَعَامٍ وَالشَّرَابِ وَقِرَاءَةِ سِيرَةِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهَذَا عَلَى أَحْسَنِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّ فِي الْحَقِيقَةِ بعض الناس يجتمعون حتى على الشرك بالله والغلو في النبي صلى الله عليه وسلم إلى درجة أنهم يصفونه بصفات الله سبحانه وتعالى وإلى درجة أنهم يدعونه من دون الله سبحانه وتعالى فيشركون به مع الله سبحانه وتعالى والاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام بدعة لكونه عملا يتقرب به أو يتقرب به أصحابه إلى الله وإذا نظرنا إليه لم نجد عليه دليلا من كتاب ولا سنة ولا عمل به السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وهذه حقيقة البدعة لو كان الاحتفال خيرا لو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لجاء الأمر به إلزاما أو استحبابا في الكتاب أو السنة لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة في حياته أو لو سنه أحد من خلفائه الراشدين الذين هم أعلم الأمة بدين الله لسبق به إليه السلف الصالح في العصور الفاضلة التي هي خير القرون. Certes, parmi les graves innovations qui ont été rajoutées dans la religion de l'islam à travers les siècles, depuis le 4e siècle après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la bid'a qu'on appelle la célébration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que les gens appellent communément la bid'a du Mawlid, le Mawlid al-Nabawi, comme il l'appelle. Et de célébrer la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bid'a, c'est une innovation, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de l'islam, mais que les gens ont inventé des siècles après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens le célèbrent le 12 du mois de Rabi' al-Awwal à chaque année. Et ils se réunissent pour manger de la nourriture et boire, et pour réciter la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est dans le meilleur des cas. Parce que dans la réalité, qu'est-ce qu'on voit ces jours-là lorsque les gens font cette fête? c'est parfois même de faire du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala en exagérant dans la glorification du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point de le décrire avec des attributs divins, ou au point même de l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui adressant des du'as et en lui adressant des requêtes alors qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam et enterré dans sa tombe sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il n'est pas permis pour quelqu'un de demander à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du shirk, c'est de l'association avec Allah, c'est de l'idolâtrie. Et si on condamne les chrétiens parce qu'ils prient à Jésus et qu'ils prient à Marie et qu'ils prient au Saint, et qu'on leur dit que ça c'est du shirk qu'ils font avec Allah parce qu'ils adorent Jésus en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est la même chose pour quelqu'un qui se dit musulman et qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah. Et ce n'est pas une condition pour que ce soit shirk que quelqu'un dise qu'il croit par exemple que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le fils d'Allah. Parce que certains s'imaginent que le shirk des chrétiens, c'est seulement le fait qu'ils disent que Isa est le fils d'Allah. Et ça c'est du shirk. Ça c'est du shirk. Mais de l'adorer et de l'invoquer en dehors d'Allah, c'est également un shirk, un shirk séparé, un autre shirk en plus du shirk qu'ils ont dans le fait de croire qu'il est son fils. Et donc, ça c'est des choses qui se font et qui se pratiquent durant la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens font même des bid'ah et du shirk. Allahul Musta'an. Et donc, si cette adoration est faite, et qu'elle n'est pas légiférée, donc c'est une bid'a. Et les gens qui pratiquent cette fête, ils pensent qu'en la faisant, ils se rapprochent d'Allah. Alors que lorsqu'on regarde dans le Coran et dans la Sunna, et dans les exemples des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne retrouve aucune preuve, aucun dalil de cette action-là. Ni dans le livre d'Allah, ni dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni dans les actions des salaf al-salih, parmi les sahaba, et les tabi'in, et les tabi'i tabi'in, et ceux qui les ont suivis parmi les pieux prédécesseurs de cette umma. Et donc ça c'est la réalité d'une bid'a. Abu Bakr, Omar, Othman et Ali radiallahu anhum, qui sont les khulafa ur-rashidin, ils n'ont jamais célébré cette fête. Et ceux qui les ont suivis parmi les tabi'in, ils n'ont jamais non plus célébré cette fête. Et si tu regardes l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui sont les quatre imams parmi les imams des madhahib, les imams auxquels on attribue un madhhab, parmi les imams de Ahlus Sunnah, aucun d'entre eux n'a jamais célébré cette fête. Et quand tu regardes les ulama qui ont rapporté les livres de hadith et les sunan, l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Abu Daoud, l'imam al-Tirmidhi, l'imam al-Nasa'i, l'imam ibn Majah, et tous les autres imams qui sont venus après, parmi les grands imams du hadith, aucun d'entre eux n'ont jamais célébré cette fête. Et aucun d'entre eux ne l'ont même connue, parce que c'est une chose qui n'existait même pas à leur époque. Donc, de pratiquer ce genre de fête, il n'y a aucun doute que c'est quelque chose qui est interdit dans l'islam et qui est une bid'a. Et si c'est quelque chose qui aurait été accepté dans l'islam, on aurait vu au moins une preuve. On aurait trouvé une recommandation à la limite. On aurait vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait au moins une fois dans sa vie. Et même lui n'a jamais fait ça, même pas une fois. Ni les khulafa, ni les autres ulama, comme on l'a dit. Et on a vu il y a quelques jours, que les chrétiens ont célébré la naissance de Isa, alayhi salam. Et même ça, dans leur religion, c'est une bid'a. Puisque Isa alayhi salam, durant sa vie, n'a jamais célébré sa naissance. Et ni ses apôtres n'ont jamais célébré sa naissance après lui. Et c'est une innovation qui est venue bien longtemps après que Allah subhanahu wa ta'ala ait élevé Isa aux cieux. Et donc, eux, ils ont inventé dans leur religion, et certains dans cette umma ont voulu les imiter et ont innové également dans l'islam, Allahul Musta'an. Et donc, si vraiment la pratique du maulid était quelque chose de bien, les premiers de cette umma nous auraient précédés à cette bonne action-là. Parce qu'ils étaient toujours les premiers à vouloir faire le bien. Et les premiers à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait que ce sont les gens qui sont de la meilleure génération des musulmans. وَلَقَدْ كَانَ مَنْشَأُ الْإِحْتِفَالِ بِالْمَوْلِدِ النَّبَوِي مِنْ قِبَلِ الدَّوْلَةِ الْعُبَيْدِيَّةِ الْبَاطِنِيَّةِ الَّتِي عَطَّلَتِ الشَّرِيعَةِ وَأَذَلَّتْ عُلَمَاءَهَا وَقَتَلَتْ مَنْ قَتَلَتْ مِنْهُمْ وَسَلَخَتْ بَعْدَ كِبَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِهِمْ وَهُمْ أَحْيَا فَأَعْلَنُوا انْتِسَابَهُمْ لِفَاطِمَةِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْيَوُا الْمَوَالِدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ولأهل بيته إشغالا للعوام وتلبيسا عليهم أنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وهم براء منه ومن أهل بيته وهم كافرون به وبدينه. La bid'a du Mawlid a été inventée, serviteur d'Allah, par la secte qu'on appelle la secte des Ismailiyya, Al-Batiniyya, Al-Ubaydiyya, ceux qui ont pris le pouvoir en Égypte, hein, pendant le 4e siècle de la Ummah, ceux qu'on appelle les Fatimiyoun. Et en réalité, ces gens-là font partie d'une secte qu'on appelle les Batiniyya. C'est une secte ésotérique qui ne croit ni en Allah, ni en les anges, ni en les messagers, ni en les livres révélés, et qui s'imagine que tout ça, c'est des choses irréelles. Ils s'imaginent que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé par ses anges, eh bien, ça n'existe pas. Pour eux, les anges, ce n'est pas des anges. Hein, c'est des illusions. Et pour eux, les prophètes, c'est des philosophes. Ce n'est pas des prophètes. Et quand ils disent que les prophètes sont venus avec un message, c'est quelque chose qu'ils ont inventé pour contrôler les gens, mais qu'ils n'y croyaient pas réellement. Qu'ils ont inventé quelque chose pour mentir aux gens, pour les contrôler, mais qu'ils n'y croyaient pas réellement. Et donc, ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent que dans la religion, dans le Coran, dans chaque chose dans le Coran, il y a un côté qui est caché et un côté qui est connu. Et que le côté qui est caché, c'est quelque chose que seulement eux sont capables de connaître, après avoir été initiés à leur secte, la secte des Ismaïliyyah, des Aga Khan ou des Bouhara, toutes ces différentes sectes ésotériques qui ont renié l'islam, renié les prophètes, renié les messagers. Et c'est à leur époque que les gens ont inventé cette bid'a pendant leur règne en Égypte, et également qu'ils ont construit les mausolées sur les tombeaux. C'est à leur époque que ces choses-là se sont propagées, et ils ont fait ça avec le prétexte qu'ils voulaient respecter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et montrer de l'amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'en réalité ils ne croient même pas en Allah subhanahu wa ta'ala ni en son prophète. وحين أولعت القلوب بحب هذه البدعة أخذ بعض الناس يدافع عنها ويلتمس لها المعاذير والشبهات كقولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولد يعني كان يصوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ولو كان هذا الحديث يفهم منه مشروعية الاحتفال بمولده مرة كل عام لسبق إلى هذا الفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف خفي عليهم هذا الاستنباط وظهر لمن بعدهم بقرون غاية ما يحدث غاية ما في هذا الحديث استحباب صيام يوم الاثنين من كل أسبوع على مدار العام لفعله صلى الله عليه وسلم ولحثه عليه لما فيه من الحكم ومنها أنه يوم ولد فيه ويوم بعث فيه وأنزل عليه فيه وأنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى ومن أعذارهم أنه يوم يتذكر فيه الناس نبيهم ويقال لهم هل ينسى يقال لهم هل ينسى أو هل ينسى المسلمون نبيهم عليه الصلاة والسلام أليس يتردد أو يتردد ذكر اسمه في المآذن كل يوم 10 مرات في كل آذان يتكرر مرتين أليست الصلاة عليه على ألسن المسلمين أليست مجالس العلم معمورة بدراسة حديثه وسننه أليست الخطب تستفتح بذكره وبعد ذكره يعني يستفتح بذكره بعد ذكر الله سبحانه وتعالى مصداقا لقوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. ثم في هذا التعليل رد وحط من قدره. لو تأملتم ولو تأملتم معناه أنه الاقتصار على تذكره مرة واحدة في السنة. إذن ما حالكم معه بقية السنة؟ أتنسونه وتعرضون عن ذكره وذكر سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام؟ تقربوا. Et donc, serviteurs d'Allah, sachez que certaines personnes essaient de défendre cette bid'a et ils ramènent à son sujet toutes sortes d'innovations et de shubuhat. Et parmi les shubuhat qu'ils ramènent, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait le lundi. Et il a dit, c'est le jour dans lequel je suis né. Maintenant, le fait qu'il soit né un lundi, ça ne veut pas dire qu'on doit fêter sa fête une fois par année. Ou qu'on doit y prendre un jour de l'année pour fêter sa naissance. Le plus qu'on peut tirer de ce hadith-là, c'est qu'on doit jeûner le lundi, et qu'on peut jeûner le lundi. C'est une sunna. Si tu le fais, c'est bien. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de célébrer sa naissance. De même que certaines personnes mentionnent le fait qu'ils fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se rappeler de sa vie. Parce que c'est un rappel pour les musulmans. Alors on leur demande à ceux-là, qu'est-ce qu'on fait le reste du temps et le reste de l'année? On oublie le prophète sallallahu alayhi wa sallam? On se souvient de lui seulement une fois par année? Et le reste de l'année, on n'y pense plus? N'est-ce pas qu'on mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'adhan? Et on mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois qu'on mentionne ses hadiths, chaque fois qu'on fait un dars, chaque fois qu'on mentionne une khutbah, on mentionne le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mention d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc de célébrer cette fête, en même temps ça implique une insulte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça voudrait dire qu'on doit l'oublier le reste de l'année. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الْأُمَمْ وَالشُّعُوبُ تُحِي ذِكْرَ عُذَمَائِهَا فِي يَوْمِ مَوَالِدِهِمْ فَنَحْنُ أَوْلَى بِهِمْ فَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّمَا تَهْلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ باتباعها آثار الأمم كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال فمن؟ فلا يجوز للمسلمين أن يتبعوهم وأن يسلكوا طريقتهم في الاعتقادات ولا العبادات ولا الأخلاق. وإنما يباح لهم أن يأخذوا من ما يحتاجون إليه من أمور دنياهم المباحة شرعا. Et parmi les gens, il y en a qui disent, si dans les autres peuples, les gens se rappellent dans un jour les grands hommes de leur histoire, alors pourquoi dans ce cas-là on ne devrait pas nous aussi nous rappeler de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce jour ou dans un jour de l'année? Et la réponse à dire à ces gens-là, c'est que les peuples qui nous ont précédés ont péri à cause de ce genre d'innovation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette umma va périr justement en suivant les exemples des peuples et des nations qui ont précédé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez suivre les nations qui vous ont précédé avant vous, pas à pas, jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans le trou d'un lézard, vous allez les suivre dedans. Et ils ont dit, est-ce que ce sont les juifs et les chrétiens au messager d'Allah? Et il a répondu, qui d'autre? Et donc il n'est pas permis aux musulmans de les suivre et de les imiter et de suivre leur chemin, ni dans leurs croyances, ni dans leurs pratiques, ni dans leurs adorations. Il est uniquement permis pour les musulmans de prendre d'eux ce qui est bénéfique parmi les choses de la dunya et qui est permis selon la charia. فاتقوا الله عباد الله واجتنبوا أسباب سخطه وإن البدع من أعظم أسباب سخطه على عباده. Donc craignez Allah, serviteur d'Allah, et écartez-vous des causes de sa colère, car les innovations sont parmi les plus grandes causes de sa colère sur ses serviteurs. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله إن الابتداع في الدين أعظم خطرا من المعاصي الشهوانية لأسباب كثيرة منها أن المبتدع يجعل نفسه مشرعا مع الله فإن تشريع العبادات حق خاص لله ولهذا قال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومنها أن المبتدع لا يكاد يتوب إلى الله لأنه يرى نفسه متقربا إلى الله ساعيا في مرضاته وكون الإنسان يرى نفسه أنه على الخير لا يغنيه ذلك عند الله سبحانه وتعالى قال بعض السلف البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها وأما البدعة فلا يتاب منها وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وعلى هذا المعنى حمل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته رواه الطبراني فإذا كان كثير من العصاة يتوبون فإن كثيرا من مرتكبي البدع لا يزدادون إلا تماديا في البدع والمحدثات والعياذ بالله. Serviteurs d'Allah, sachez que la bid'a est plus grave et plus dangereuse que les péchés qu'on fait. Et à cause de plusieurs raisons. Premièrement, le mubtadi', il se place comme un législateur avec Allah subhanahu wa ta'ala en légiférant des adorations. Alors que ça, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi il dit, ont-ils des partenaires qui légifèrent pour eux ce que Allah n'a pas permis de la religion? Et également, parmi les causes ou les raisons pourquoi c'est pire que les péchés, c'est que le mubtadi', il ne se repent presque jamais de sa bid'ah. Parce qu'il considère qu'il se rapproche d'Allah en la faisant et qu'il est en train de faire ce qui amène son agrément. Et les salafs ont dit, certes, la bid'a est plus aimée par le diable que les péchés. Car les péchés, on peut s'en repentir, car on sait que c'est mal. Tandis que la bid'a, on ne peut pas s'en repentir. On ne peut pas s'en repentir parce qu'on pense que c'est quelque chose de bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui signifie, dit, est-ce que vous voulez qu'on vous informe des pires perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Et donc, selon cette signification, on comprend le hadith de Anas, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a couvert la repentance de toute personne qui est en train de pratiquer une bid'a jusqu'à ce qu'il abandonne sa bid'a. Et c'est rapporté par At-Tabarani. Et donc, on voit que beaucoup de gens qui commettaient des péchés, ils buvaient de l'alcool ou ils faisaient d'autres péchés, ils ont abandonné ces péchés-là et se sont repentis à Allah, tandis qu'on regarde les gens qui font des bid'a et on remarque qu'ils ne font que s'enfoncer encore plus dans leurs innovations. فَاجْتَنِبُوا حُضُورَ مَجَالِسَ الْمَوَالِدِ وَاجْتَنِبُوا حَتَّى مُشَاهَدَتَهَا وَمُتَابَعَتَهَا فِي وَسَائِلِ الْإِعْلَامِ لِأَنَّ الْإِنسَانِ قَدْ يُفْتَنْ إِذَا أَصْغَى لِكَلَامِ أَهْلِ الْبِدَعِ لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باجتناب البدع والابتعاد عنهم والحذر التام منهم كما قالت عائشة أو كما قال لعائشة رضي الله عنها فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه يعني ما تشابه يعني من متشابهات القرآن والذين يجادلون فيها فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Et donc, sachez, serviteurs d'Allah, en terminant, que vous devez vous écarter de participer et d'assister à ce genre d'innovation et d'assises pour la célébration de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écartez-vous-en et même ne les écoutez pas, ne regardez pas ces choses-là, même dans les médias, parce que c'est quelque chose qui peut faire tomber les gens dans l'innovation facilement. Et donc la meilleure façon de ne pas faire des innovations, c'est de s'en écarter et de prendre ses précautions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Aïcha radiallahu anha, si vous voyez ceux qui suivent les choses qui sont équivoques dans la religion, dans les versets du Coran, ils suivent ce qui peut prêter à diverses interprétations. Alors dans ce cas-là, vous reconnaissez ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nommé dans le verset 7 dans sourate Al Imran. Alors prenez garde à cela. Prenez garde à cela. Et donc ça c'est un rappel pour nous et pour vous. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin. Allahumma a'izz al-islam wa al-muslimin wa adhill ash-shirka wa al-mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabiyyika ya rabb al-alamin wa qumu ila salatikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا صووا صفوفكم les talons avec les talons, les épaules avec les épaules, ne laissez pas d'espace entre vous, redressez votre rein. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الجنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين